Hier je suis allé me promener en forêt pour aller chercher des champignons tout mignons. Champignons mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons. Je me suis baladé jusqu'à enfin en trouver dans une cabane très légèrement abandonnée. Champignons mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons. Faites attention aux champignons mignons pour assaisonner vos plats avec des plutôt des oignons. Donc champignons mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons. Faites très attention aux champignons mignons, il vaut mieux vous prendre un oignon que manger des champignons. Donc champignons mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons. J'ai mangé mes champignons mignons, ils étaient pas très bons, ils savaient je crois léger petit arrière-goût des troncs, c'était pas très mignon. J'ai commencé à voir des choses bizarres, des morceaux de tapis volants, des souris vertes à trois têtes, chacune plus grosse qu'un éléphant. C'est assez inquiétant. Faites très attention aux champignons mignons pour assaisonner vos plats avec des plutôt des oignons. Donc champignons mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons. Faites très attention aux champignons mignons, il vaut mieux vous prendre un oignon que manger des champignons. Donc champignons mignons, mignons, mignons, mignons, mignons, mignons. Tout autour de moi avait changé de couleur, la feu verte était bleue, rouge, mauve, jaune, noir ou encore. Je sais plus, ça tournait trop de toute façon. Quand un brogne m'a retrouvé dans le bois, il n'a pas bien compris. Il m'a pris pour une otari, mais je pense qu'il avait aussi goûté à mes champis. Faites très attention aux champignons mignons pour assaisonner vos plats avec des plutôt des oignons. Donc champignons mignons, mignons, mignons.